la responsabilité de ces versets et de ces hadiths à ceux qui les ont rapportés. Et je les préserve de tout ce que les gens peuvent imaginer. Yutakhayyalu. وَجَمِيعُ آيَاتِ الصِّفَاتِ أُمِرُّهَا حَقًّا كَمَا نَقَلَ التِّرَازُ الْأَوَّلُ. Le premier vers que j'ai cité, et donc tous les versets liés aux sifat, je les affirme réellement comme l'ont rapporté les premières générations. جَاءَ عَنْ الْأَوْزَاعِ وَالْإِمَامِ مَالِكِ وَسُفْيَانِ الثَّوْرِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي آيَاتِ وَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِ. Il a certes été rapporté de l'Awza'i ainsi que l'imam Malik et Soufyan al-Thawri et bien d'autres parmi les pieux prédécesseurs qui ont dit concernant les versets et les ahadiths liés aux sifat, liés aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفِ. Affirmez-les. Donc, lorsqu'on voit un verset qui stipule les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou un hadith qui cite les attributs d'Allah, nous l'affirmons comme cela nous l'a été rapporté. Sans kayf. Bila kayf. Sans demander comment. Quand les cheikhs ou l'islam, wa qawluhum amirruha kama ja'at raddun ala al-mu'attila. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit comme dans Majmou' al-Fatawa, il nous dit amirruha kama ja'at. Lorsque les salaf ils disaient affirmez-les comme ils ont été rapportés, et donc cela signifie cela, et le Cheikh l'Islam nous dit cela est une réplique à al-mu'attila. C'est qui al-mu'attila? On a déjà parlé d'eux. Al-mu'attila, c'est qui? Du moins une. Quelle est la caractéristique? Que signifie le mot al-mu'attila? Attal al-sifat. Même en attal al-sifat. Ça veut dire quoi ça? Le fait de rejeter et de nier les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, lorsque les salafs ils disaient ça, cette première partie, affirmez-les comme elles ont été rapportées, donc les attributs. Cela, cette première partie est une réplique à al-mu'attila, ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bila kayf, lorsqu'ils nous disent sans demander comment et sans chercher à comprendre comment sont les attributs d'Allah, ceci est une réplique à al-mushabbiha, une réplique à al-mumathila. Donc ceux qui vont chercher à faire ressembler Allah à ses créatures. Ils vont dire la main d'Allah est comme ça, etc., etc., etc. Et donc toi, il t'est demandé d'affirmer les noms, d'affirmer les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ils ont été rapportés, sans chercher à comprendre comment. Nous faisons la différence, nous nous farriq, beina, el-waj, wal-qadam. Nous faisons la différence entre le visage et les pieds. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à nous avec une langue que nous comprenons. Nous comprenons le visage ce que c'est, nous comprenons les mains ce que c'est. Mais chercher à comprendre comment sont les mains d'Allah, chercher à comprendre comment est le visage d'Allah, ça nous ne pouvons pas. Et donc à partir du moment où la personne va chercher à comprendre cela, la personne va rentrer dans des problèmes. فَكَانَ السَّلَفُ يُثْبِتُونَ آيَاتِ الصِّفَاتِ كَمَا جَاءَتْ ولا يغيرونها وكانوا يردون على نعم وكانوا لا يبحثون عن الكيفية. Et donc les salafs, les pieux prédécesseurs, ils affirmaient les noms et attributs, ils affirmaient les attributs et les versets qui citaient les attributs, ils les affirmaient et ne changeaient pas la signification comme on avait vu il y a une semaine. Et ils ne cherchaient pas à comprendre non plus le comment. Comme cela a été rapporté de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala concernant l'istiwa, le fait de s'établir sur le trône, comme on l'a déjà cité plusieurs fois. Ensuite, lorsqu'il nous dit « Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha » et je laisse la responsabilité à ceux qui l'ont rapporté. ceux qui ont rapporté ces versets, ceux qui ont rapporté ces hadiths, il nous dit, je leur laisse la responsabilité. Quelle responsabilité? Qu'est-ce qui est voulu par là? Aïe, atrukul mas'ouliya ila nukaliha, wa humus sahaba, wa man tabi'ahum bi ihsan, wa fihi isharatun ila anna hadha ad-din yu'khadhu 'an as-salaf. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est-à-dire je laisse cette responsabilité à ceux qui nous ont rapporté cette religion. Et ce sont les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Et il y a en cela une façon de montrer que la religion est prise des pieux prédécesseurs. فهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. Et donc cette croyance est la croyance de أهل السنة والجماعة. Comme si l'auteur ici, il nous dit cette croyance c'est pas la mienne. Ce n'est pas ma responsabilité, ce n'est pas moi qui suis venu avec cette croyance. Et rappelez-vous, on a déjà vu plusieurs fois que la croyance on apprend de Al-Kitab wa Sunna. Et donc ce n'est pas la mienne, ou celle d'un tel, ou celle de Foulen, ou autre. Et donc, il est important de comprendre cela, ce principe essentiel. فَلَمْ يَأْتِي شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَلَا الْإِمَامُ مُحَمَّدِ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَلَا الشَّيْخُ رَبِيعَ لَمْ يَأْتُوا بِعَقِيدَةٍ جَدِيدَةٍ. Et donc, شيخ الإسلام ابن تيمية, le شيخ محمد, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, le شيخ ربيع, ils ne sont pas venus avec une nouvelle croyance. وَهَذَا فِيهِ رَدٌ عَلَى مَا نَسْمَعُهُ كَثِيرًا الْآنِ. Il y a en cela une réplique à ce qu'on entend souvent, on entend très souvent de nos jours. الْوَهَابِيَّ. الْوَهَابِيَّ, ils nous disent. Et donc, Cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab est venu avec une nouvelle croyance. Taïb, quelle est cette croyance? Al-Wahhabiyya, Al-Wahhabiyya. Al-Madakhila. Comme il m'a dit le frère qui venait de Hesh, là, qui est venu pour affirmer donc sa voix de Khariji. Et donc il me dit, oui, mais ceux qui obéissent au gouverneur, ce sont... Attention, c'est qui obéit au gouverneur? Al-Madakhila. Il dit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceux qui obéissent au gouverneur, c'est Al-Madakhila. Tu ouvres Usul Sunnah lil Imam Ahmed à la fin du livre. Wa ta'atul umara, l'obéissance au gouverneur, même s'ils sont pervers. L'obéissance au gouverneur, même s'ils sont pervers. Et ce, c'est la croyance de Ahmed, Shafi'i, Malik et les autres. L'unanimité des savants sur cela. Et ensuite, ils vont parler sur une personne de notre époque, qui est venu après plus de 1400 ans après les premières générations, plus de 1300 ans après les premières générations, et ils nous disent, c'est la croyance de Al-Madakhila. Et donc, la meilleure réponse à toute personne qui vient avec ce genre de parole, c'est de demander, « Ma huwa al-farqu ?»« Ma huwa al-farqu ?»« Bayna i'tiqadi ha'oula ?»« Ibn Abd al-Wahhab » ورابيع وابن تيمية ما هو الفرق بين اعتقادهم واعتقاد الصحابة والتابعين هات. Tu leur demandes quelle est la différence entre la croyance de ces gens que tu critiques, Ibn Taymiyyah, l'imam Mohammed Abdel Wahhab, le Cheikh Rabi', quelle est la différence entre leur croyance et la croyance des premières générations parmi les sahaba et tabi'in? Tu dis, قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ. Ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Il ne suffit pas de parler comme ça, d'écouter ce que les gens ils disent, d'écouter, de répéter ce qu'on voit à la télé. Il faut faire très attention par rapport à cela. Lorsqu'on affilie un groupe à une personne, c'est que cette personne a dévié de la voie des pieux prédécesseurs. Et donc, à ce moment-là, il faut ramener la preuve que cette personne a dévié. Si tu dis, هذه الوهابية, si tu dis ça, c'est la wahhabiyya, c'est le wahhabisme, il faut que tu ramènes ta preuve que cette personne appelée Ibn Abd al-Wahhab, il a dévié de la voie des compagnons et qu'ensuite des gens l'ont suivi. Sans quoi, tu auras menti sur lui, sur toutes les personnes qui l'ont suivi et sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il faut faire très très attention à nos propos. Très très attention à cela, barakallahu fikum. فهذه العقيدة هي عقيدة السلف التي من خالفها كان من الضالين. Et donc cette croyance que nous étudions, ce n'est pas la croyance d'Abdelkarim, ce n'est pas la croyance de la mosquée de Villeruy, ce n'est pas la croyance de un tel ou un autre, c'est la croyance des pieux prédécesseurs. La croyance des premières générations, c'était la croyance qu'ils avaient. Et que toute personne qui contredit cette croyance fait partie des égarés. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission du prophète, du messager, ainsi, et qui suit une autre voie que celle des croyants, qui suit une autre voie que celle des croyants, nous le délaissons et nous nous détournons de lui comme il s'est détourné. Et nous le faisons brûler dans l'enfer. Wa naslihi jahannam. Wa sa'at masira. Et quel mauvais refuge. Les savants, ils disent Sabilul mu'minin huwa sabilus sahaba. La voie des croyants, la personne qui suit une autre voie que celle des croyants. Quelle est la voie des croyants? Est-ce que c'est la voie des croyants après la division? Ce n'est pas une voie, là, il y en a plusieurs, puisque la communauté a été divisée. Ce qui est voulu par la voie des croyants, c'est la voie des croyants des premières générations. Les premières générations, lorsqu'il n'y avait qu'un seul groupe, le groupe dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leurs éloges. Fa'ha'oula humul murad. Et donc ce sont eux qui, ce verset s'adresse, ce qui est voulu par El Mu'minoun ici, les croyants, c'est les premières générations. وَهَأُولَا هُمْ كَانُوا الْمُؤْمِنِينَ حِينَ تَنْزِيلَ الْقُرْآنَ. Et c'était eux les croyants lorsque le Coran a été révélé. Et donc, nous devons suivre impérativement la voie de ses pieux prédécesseurs. وَمَنْ خَالَفَ هَذَا السَّبِيلَ كَانَ مُتَوَعِدًا بِالْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ. Et celui qui contredit cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, alors il est sous la menace du châtiment terrible qui a été cité dans le verset. فَلِذَا يَجِبُ عَلَيْنَا جَمِيعًا أَن نَتَعَلَّمْ مَا هِيَ عَقِيدَةُ هَؤُلَاءِ. Et donc il est impératif que l'on apprenne tous quelle est la croyance de ces gens. On ne va pas apprendre quelle est la croyance d'Abdelkarim. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la croyance de ces premières générations. Quelle était leur croyance? Afin qu'on puisse, nous, savoir comment protéger nos cœurs, comment protéger nos familles. Quelle est la vraie croyance à avoir? Et ensuite, il dit l'auteur, « Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. » Et je les préserve. Tous les versets et les hadiths liés aux attributs d'Allah, je les préserve de tout ce qui peut être imaginé. فأهل السنة يسونون آيات وأحاديث الصفات عن كل ما يتخيله المتخيلون. Et donc, أهل السنة والجماعة, ils vont préserver les hadiths ainsi que les versets liés aux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils vont les préserver de toute imagination de tous ceux qui vont imaginer ce qu'il ne faut pas concernant les les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَالَّذِينَ وَقَعُوا فِي التَّعْتِيلِ وَقَعُوا فِيهِ بَعْدَمَا شَبَّهُ اللَّهَ بِالْمَخْلُوقِ. Et donc ceux qui sont tombés dans la secte de Al-Mu'attila, le fait de rejeter les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont rejeté les attributs d'Allah? Ils ont rejeté les attributs d'Allah lorsqu'ils ont cherché à faire ressembler Allah à ses créatures. Lorsque la personne regarde sa main, elle se dit, ah, mais j'ai une main. Donc si on dit que Allah il a une main, et donc Allah il est comme ses créatures, ah, et donc Allah n'a pas de main. Et donc la personne, elle a commencé par s'imaginer quelque chose. Après avoir imaginé ce qu'elle voulait, elle s'est dit, non, mais je ne peux pas dire que Allah est comme moi. Ou je ne peux pas dire que Allah est comme un tel. On va donc préserver cette croyance. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que Allah n'a pas de main. فَيَفِرُّ مِنْ دَاءٍ إِلَى دَاءٍ آخَرٍ. Et donc il va fuir d'une maladie vers une autre maladie. Tout ça parce qu'il a commencé par التخيل. Il a commencé donc par imaginer. Ahlus sunnah wal jama'a, ils ne font pas cela. Bel yaruddun ala kulli man khada fi sifatillah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, ahlus sunnah, ils vont répliquer à tous ceux qui ont dévié dans les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi vous pouvez voir que nos pieux prédécesseurs ont écrit beaucoup de livres sur le sujet. Beaucoup de livres sur les noms et attributs pour répliquer Al-Mu'attila, Al-Mushabbiha et Al-Asha'ira. Parfois les savants, ils parlent de guerre scientifique. Des livres qui sont écrits pour répliquer aux gens. Et cela est important pour expliquer à la communauté la croyance correcte. Et ensuite, l'auteur, il nous dit, قُبْحًا لِمَنْ نَبَذَ الْقُرْآنَ وَرَاءَهُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَقُولُ قَالَ الْأَخْطَلُ. Il nous dit, comme est moche celui qui rejette le Coran derrière lui. Celui qui lance le Coran derrière lui. Et que lorsqu'il cherche une preuve, alors il dit, El Akhtalu a dit. Fara'ina anna ahl sunnah ya'tamiduna ala al-kitab wa sunnah fi aqidatihim. Et donc, on a vu que les gens de la sunnah, ils s'appuient et ils se basent sur le livre d'Allah et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant leur croyance. Amma ahl ad-dalal فإنهم يعتمدون على أهوائهم وعقولهم الفاسدة أو غير ذلك. Tandis que les gens de l'égarement, concernant leur croyance, ils vont s'appuyer sur leur passion ou leur raison corrompue ou autre. Ils vont chercher à s'appuyer sur tout ce qui peut leur servir de preuve pour contredire le Coran et la sunna. Contrairement à Ahl Sunna wal Jama'a qui, eux, vont avoir comme première source sur laquelle ils vont s'appuyer le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ha'ula alladhina nabadhu al-Qur'an man salafuhum. Et ces gens qui rejettent le Coran. Lorsque tu lui dis, mais mon frère, Allah il dit, ouais, mais... Ces gens qui rejettent le Coran, qui n'accordent pas d'importance à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont leurs prédécesseurs? Leurs prédécesseurs sont Ahlul Kitab, les gens du livre. Les gens du livre, ceux qui ont rejeté la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, les mouchriquines, les polythéistes, parmi les gens du livre. Fahaoula كانوا يعرفون أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا في السيرة. Et donc ces gens-là, ils connaissaient les caractéristiques du prophète صلى الله عليه وسلم comme nous avons vu dans la biographie. ولكن لما جاء هذا النبي Nabazu ma fi Tawrat. Lorsque le prophète est venu, ils ont délaissé ce qu'il y avait dans la Torah. Ils ont délaissé la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ont suivi leur passion. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara dhuhurihim. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit lorsque un messager leur est venant d'Allah tabaraka wa ta'ala en confirmant ce qu'il y avait avec eux, alors là un groupe parmi les gens du livre ont rejeté le livre d'Allah et l'ont laissé derrière eux. Comme s'ils ne savent pas. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier encore, lorsque le prophète leur demande est-ce que vous me trouvez dans votre livre? Là. Comme s'ils ne savent pas. Alors qu'ils savent. Abdullah ibn Salam, qui s'est levé et qui leur a demandé, qui suis-je parmi vous? Comment vous me connaissez? Les éloges. J'atteste que c'est lui, le messager d'Allah, que vous trouvez dans votre livre. Fit Tawrat. Et donc ils font comme s'ils ne savent pas. C'est eux les salafs de ces gens qui rejettent les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela est grave. واليوم نتعجب من بعض الناس يسمعون شيخهم يقذف مسلما من المسلمين قذفا صريحا فإذا نصحتهم وذكرتهم بالله تقول لهم يا رجل يقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Et aujourd'hui, nous sommes surpris par certains qui vont entendre leur leader, leur cheikh, taxer un musulman de fornicateur, sans preuve. Il taxe un musulman de fornicateur. Alors tu vas voir le frère, tu lui dis, Yahi, crains Allah. N'as-tu pas vu la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Lorsque Allah dit dans le sens de la traduction des versets, et ceux qui accusent les femmes chastes et qui ne viennent pas après cela avec quatre témoins, alors fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus leurs témoignages. Et ceux-là sont al-fasiqoun. Tu lui dis Allah tabaraka wa ta'ala qui te dit fa id lam ya'tu bishuhada fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Et si ils ne viennent pas avec les témoins, alors ces gens sont auprès d'Allah, ce sont eux les menteurs. Tu le conseilles, tu lui ramènes les versets d'Allah, tu lui dis tiens, yahi, ce n'est pas permis de traiter un musulman de fornication sans ramener tes preuves. Quelles sont tes preuves? 4 témoins. Celui qui fait cela, quel est son jugement? Fasiq. Ils te disent, là, tu lui dis, akhi, le verset, call Allah. Là, alim. Non, c'est un savant. Alim. Allama. Pourquoi? Al-hawa. Tu lui dis, call Allah. Non, on se détourne. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que certains savants s'énervent lorsqu'ils entendent qu'une personne, on lui dit « call Allah » et la personne te dit « non, c'est un allem ». Comment peux-tu te détourner de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Notre religion, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, nous faisons passer les textes d'Allah tabaraka wa ta'ala avant toute chose. Avant toute chose, le jour où Abdul Karim, il dit n'importe quoi, il ne veut pas se repentir, il n'y a pas de « non, on l'aime bien, il est grand » ou je ne sais pas, ça. Non, il n'y a pas ça, c'est fini. Abdul Karim ne veut pas comprendre. Le Coran, Abdul Karim ne veut pas suivre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, on l'a conseillé, il ne veut pas, non. Les gens de la sunna ne s'accrochent pas à leur passion comme cela. Il faut faire très attention à ça, mes frères. Il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce genre de piège. Et ensuite, il dit l'auteur, « وَإِذَا اسْتَدَلُّ يَكُولُ وَإِذَا اسْتَدَلَّ يَكُولُ قَالَ الْأَخْتَلُ » Et donc, lorsqu'il cherche une preuve, alors il dit « قَالَ الْأَخْتَلُ » النظم هنا يذكر مثالا فمن أعرض عن كتاب الله وذهب يحتج بكلام غيره بكلام غير الله تبارك وتعالى كان داخلا في هذا البيت. Et donc l'auteur ici, il nous cite un exemple. Il a cité ceux qui vont s'appuyer sur la parole de Al-Akhtal. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Toute personne qui va se détourner de la parole d'Allah et va utiliser la parole d'un autre pour rejeter la parole d'Allah va tomber dans, il est concerné par ce vers. Le jour où Abdul Karim il dit une parole contraire à la parole d'Allah et qu'on vous conseille, on vous dit oui mais Allah il a dit, et que tu viens tu dis non mais Abdul Karim il a dit, là, tu commets quelque chose de grave. Tu commets quelque chose de grave. Même si tu cites quelqu'un qui est plus grand, tu commets quelque chose de grave. Nous ne devons pas faire passer la parole. Nous devons passer la parole de quiconque ne passe au-dessus de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète. Et donc ces gens sont allés s'appuyer sur qui sur ? La parole de Al-Akhtalu. Al-Akhtal, qu'il est, innahu kana rajulan nasraniyan. Il a été dit que c'était un homme chrétien. Fataraku kitab Allah, wa sunnata rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa dhahabu ya'tamiduna ala qawli rajulin nasrani. Et donc ils ont délaissé le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sont allés s'appuyer sur la parole d'un homme chrétien. La parole d'un homme chrétien pour appuyer leurs arguments. Belle, lorsque tu viens les voir avec un hadith authentique, fi sahihain, je me rappelle, j'avais rencontré un homme qui rejetait le fait que Allah fit semer. Alors je lui ai cité les versets. Il essaie à chaque fois de trouver une interprétation. Je lui ai cité les hadiths authentiques. Et ils sont nombreux sur ce sujet. Il te dit da'if. Hadith faible. Dès qu'il peut te dire hadith faible. Sans pour autant avoir aucune science sur le sujet pour pouvoir distinguer un hadith authentique d'un hadith faible. Mais hadith faible. Et donc les savants, ils disent, tu leur ramènes le Coran, ils ne veulent pas. Tu leur ramènes la sunna, ils te disent da'if. Mais ils sont allés prendre la parole de Al-Akhtal, qui est chrétien, et dont même les chrétiens, ils te disent, on ne sait pas si c'est sa parole. On a cherché dans ses livres, on n'a pas trouvé. Subhanallah. Et donc, tout ça pour vous dire que les gens de la passion, lorsqu'ils sont accrochés à leur passion, ils vont chercher quoi que ce soit comme argument pour renforcer leur croyance. Quoi que ce soit. Ils peuvent s'agripper sur une toile d'araignée, ils le font. Ahlus sunnah wal jama'a, ils sont apaisés par rapport à cela. Tu Tu n'as pas à chercher. Ah, comment je vais faire pour trouver une preuve, pour trouver mon argumentation. Et Alhamdulillah, Mokhtar. La croyance, elle est déjà là. El Kitab, wa Sunna. Les livres ont déjà été écrits. Tu n'as pas à chercher. Et Alhamdulillah. Et donc, les frères, ce sujet est vraiment très important. Et l'auteur, depuis plusieurs vers, on voit ce sujet, l'importance de prendre comme base, comme fondement, le Coran et la Sunna, et de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et c'est ce que nous devons nous efforcer de faire. Inch'Allah ta'ala, on va arrêter là pour aujourd'hui, et on va commencer à aborder la semaine prochaine le sujet de Yawm al-Qiyamah. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين